encore un mot. Voyez comme il est mignon. Là, sans rien dire, sans prétendre avoir raison. Encore un mot, il y a sans doute un pourquoi. Lui doit savoir, demande-lui, tu verras. Thank you.